Bienvenue au 30 21e. épisode du podcast des Nous. Ce podcast n'est pas recommandé aux enfants. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@modmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man! Je parle aujourd'hui de Valérian et la Cité des Mille Planètes, un gros film de science-fiction produit en France, réalisé par Luc Besson. D'après la bande dessinée classique Space Opera, Valérian et l'Heure et Lune, ou Valérian, agence spatio-temporelle, de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin. Ce film semble plus précisément être plus ou moins une adaptation de l'album L'Ambassadeur des Ombres, et non pas de l'album L'Empire des Mille Planètes, comme je le pensais avant d'avoir vu le trailer, vu le titre. Le film n'est pas vraiment fidèle à l'album L'Ambassadeur des Ombres. On reconnaît bien certaines scènes ou séquences, quoique pas à l'identique, mais dans l'ensemble l'histoire est assez différente, il me semble moins réfléchi, politique, plus action, entertainment. Du Besson quoi, pas du Christin. Il y a bien un message, mais il est assez facile et pas trop recherché, profond. Le film manque clairement de nuances, de substances en comparaison. Mais c'est un divertissement assez réussi, quoique je trouve l'utilisation d'effets numériques plutôt abusée. J'ajouterais que si le film a de très bons moments, notamment ceux basés sur les scènes de l'album, il y a des éléments assez peu intéressants. Si vous vous souvenez de mon système de cotation, qui est sur 5, je donne 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise et 0 à une nullité, telle que Monsieur Trump. Je donnerai donc au film une note de 3 sur 5. Très correct, mais décevant pour du Valérian. Ce n'est certes pas non plus le cinquième élément. À la prochaine.